message de paix pour que l'amour dure pour les contes de fées. On nous en raconte plus, l'amour c'est magique, un coup de baguette magique, des larmes qu'apparaît, et ça c'est tragique. 3 ans, une relation stable, coulée durable, avec des joies, des cris, des pleurs et des tristesses. Des mots qui sortent de ma tête quand je suis pas d'humeur. La vie c'est comme l'amour, y'a des hauts et des bas. C'est pas toujours facile, mais je baisserai pas les bras. À la bonne étoile qui nous suit, j'ai encore envie d'y croire. Malgré la distance qui nous sépare, j'écris avec les doigts, mais c'est mon cœur qui bat. Avec beaucoup de respect, tu vois, c'est le cœur qui bat. Quand je te dis que je t'aime, et que même loin de moi ou toi loin de moi, je pense toujours à toi. Rien ne pourra nous séparer, ni la distance, ni ce que les autres pensent. Pourquoi croire en demain, donne-moi la main, parce que on sait pas si on sera encore en vie demain. J'avance toujours ta blessée, de manger et de blesser. J'essaie encore d'avancer, mais cela me paraît compliqué. J'espère que le meilleur est, j'espère pouvoir retrouver mon vrai sourire, pouvoir libérer mon cœur. Oh, oh, oh, oh. Je suis consciente. C'est le cœur qui part quand je te dis que je t'aime, et que même loin de moi ou toi loin de moi, je pense toujours à toi. Rien ne pourra nous séparer, ni la distance, ni ce que les autres pensent. Pourquoi prendre demain, donne-moi la main, parce que je sais pas si on sera encore en vie demain. À chaque fois je pense en toi quand je me l'ai repris.